10. A. École. Langue. Amis. Parler. Famille. S'appeler. Classe. Tu t'appelles. Il parle. Image. Mots. Télé. Tourisme. Sport. Cuisine. 9.